Chapitre 278. L'interdiction de rappeler aux autres nos bienfaits en leur faveur. Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. Sourate 2, verset 264. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah, sans faire suivre leur largesse, ni d'un rappel, ni d'un tort. Sourate 2, verset 262. 1588. D'après Abu Dhar, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Il y a trois types de personnes à qui Allah ne parlera pas le jour de la résurrection, qu'il ne regardera pas, qu'il ne purifiera pas et qui subiront un châtiment douloureux. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répéta ces paroles à trois reprises. Abu Dhar, radiyallahu anhu, lui dit: « Puissent-ils échouer et périr? Mais qui sont-ils, ô messager d'Allah ?» Il répondit, alayhi salatu wassalam: « Ceux dont les vêtements dépassent la cheville, ceux qui rappellent aux autres les bienfaits qu'ils leur ont accordés, et ceux qui écoulent leurs marchandises en jurant mensongèrement. » Muslim. Dans une autre version de Muslim, ceux dont le pagne, Izar, dépasse la cheville.